Consultez la programmation des spectacles à venir sur levaldulezard.com. Bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous. Et deux heures de bon prog devant nous. Et on commence ce soir avec un avant-goût du prochain album de Galahad, la formation britannique. Et le disque doit paraître le 24 octobre et il sera disponible en vinyle à la fin de l'année, probablement en décembre. Il n'y a pas encore de date fixée. Et on apprend que ceux qui vont acheter le vinyle auront le CD inclus. Alors, c'est le 11e album de cette formation. Si on ne tient pas compte des publications comme Galahad Electric Company qui a signé 3 disques ou du Galahad Acoustic Quintet qui a présenté Not Out There en 1994. Et côté formation, c'est toujours évidemment Stu Nicholson au chant, Dean Baker au clavier, Spencer Luckman à la batterie, Lee Abraham à la guitare et il y a un petit nouveau qui fait son entrée, Mark Spencer à la basse, membre de la formation Twelfth Night et aussi membre du groupe de Alan Reed, l'ancien chanteur de Palace. Pour le premier extrait de ce nouvel album, on aura la pièce-titre donc de « Last Great Adventurer ». Et Marc, après ça, on va faire un petit détour dans le coin de l'Italie. Oui, tout à fait. On aura d'abord une pièce de Aliante. Ce sera le second extrait de ce nouvel album intitulé Destinazioni Oblique. C'est leur troisième album. Le groupe a été fondé en 2017. C'est un rock instrumental. Et ce sera suivi de la formation Machina Pneumatica. Le groupe a été fondé en 2013 à Milan. D'abord sous le nom de Atom Age Empire. Par la suite, Nudo. Et finalement, Machina Pneumatica. C'est leur second album intitulé Appartenenza. L'album vient de paraître début septembre. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec un avant-goût du prochain album de Galahad. Yeah. or pleasure, it really doesn't matter. You just keep on pushing till the job is done. Whilst others are scratching their heads, they quietly solve it all. No fanfare, no fuss, just a perfect end result every time. No problem is too much, you always find a solution. You always find a way. From Filton to the LEB. 'cause you're the best there ever was. sei tu, da cosa sono in fuga e di cosa ho bisogno. Guardami dentro, trova una luce, salvami dal mio destino, stringimi a te. Ho perso il sonno, diavoli e streghe, si giocano i miei pensieri. Envie de vivre une promenade artistique mystère à Québec? CKRL vous invite à la promenade des arts les 1er, 2, 15 et 16 octobre. Laissez-vous guider par plusieurs animateurs animatrices de CKRL dans quatre lieux mystères où des performances d'artistes de Québec vous surprendront. La seule chose que vous connaîtrez, votre point de rendez-vous est d'arrivée CKRL au 405 3e Avenue. Réservez votre billet gratuit sur ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. Du 13 au 23 octobre, le Festival Québec en toutes lettres vous convie à un festin de découvertes. Cabaret littéraire, banquet surréaliste, performances, rencontres d'autrices et d'auteurs, installations dans la ville, spectacle de la caravane dans des parcs. Laissez-vous surprendre. Minuit 7. Les histoires sont des créatures sauvages. Quand on les libère, on ne sait jamais ce qu'elles peuvent provoquer. Quand j'aurai terminé mes trois histoires, ce sera à ton tour de m'en raconter une. Et ce sera la vérité. Puis ça va faire quoi si je refuse? Dans ce cas, je te dévorerai vivant. OK, d'abord. Viens me chercher. Quelques minutes après minuit d'Adam Peck et Sally Cookson, d'après le roman de Patrick Ness, A Monster Calls, une présentation du Conservatoire d'art dramatique de Québec dans une traduction et mise en scène d'Amélie Bergeron, en salle du 11 au 16 octobre. Billets en vente dès maintenant au conservatoire.gouv.qc.ca. As-tu déjà vu ça, un match d'impro à coups de chansons à répondre, une veillée de danse bretonne ou même québécoise? À l'Action de grâce, un festival hors de l'ordinaire t'attend dans le Vieux-Québec, les 31e rendez-vous estrade. Pousse-nous ta chanson à répondre, montre-nous comment tu swings à veiller du samedi soir, viens voir des spectacles que tu verras jamais ailleurs et sors tes instruments pour finir la soirée en grand. Du 6 au 10 octobre, sors ta compagnie au 31e rendez-vous estrade. Viens vivre le patrimoine vivant. Détails au cppv.net. Chacun peut, à un moment ou l'autre de sa vie, faire face à des difficultés financières. Avec l'équipe de Jean Lelièvre, syndic de faillite autorisée en insolvabilité, vous êtes assuré de trouver un allié sur la voie de la liberté. Pour une consultation sans frais, composez le 418-653-5553. Chez Jean Lelièvre Syndic, nous sommes votre allié. JeanLelièvreSyndic.com. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, on va amorcer cette demi-heure avec une nouveauté, le disque est paru hier, le 30 septembre. C'est le nouvel album de John Holden, son quatrième album, et on remarque la présence de plusieurs invités, dont Dave Benbridge de Iona et Life Sings. Il y a Pete Jones aussi de Tiger Moth Tail de Camo, et deux Québécois aussi, Michel Saint-Père et Jean Pajot de Mystery. L'album a pour titre Kintsugi, qui est un art ancestral japonais qui consiste à recoller des céramiques, notamment cassées, et par ricochet, ben, c'est un peu une métaphore pour la résilience. Et puis on aura tout de suite après Green Asphalt, un groupe suédois que je commence à vraiment beaucoup apprécier, de leur album Green Asphalt. Et après ça, Marc, on se dirige du côté du Royaume-Uni. Oui, c'est la formation Fearful Symmetry. Ils sont de Londres et c'est leur second album intitulé The Difficult Second. C'est le projet de la multi-instrumentiste Susie James qui est accompagnée de quelques musiciens. Et ce sera suivi de la formation italienne Malignis Cauponibus qui a été fondée à Florence en 2010. Et c'est leur second album intitulé Discrepancia. On aura la pièce Sous Mary. Mais comme vous disait Michel, on débute avec la nouveauté de John Holden. Thank you. my dearest friend. I'm no shall we now lie upon the earth? My heart, my love, rest with me here. Come share your dreams, your hope and

Presence. no choice but quiescence, smothered and wretched. No one can hear your screams. CKRL. Du 30 septembre au 17 octobre, Québec Musique Parallèle reprend la route. L'événement ambulant de musique exploratoire et d'art sonore vous donne rendez-vous à travers 16 villes et villages le long du Saint-Laurent et au-delà. Avec la harpiste bionique Alex Tibitz

there's one thing we've heard about that has caused a stir, that a whole building holds a secret. There were whispers spinning up rumor. Former students had brought it, always treated with humor. No one actually bought it, but it turns out we're gonna learn what the building does as a well-armored war command post. Because

try not to fall asleep. It's there somewhere, a bit closer to the edge. I fear my eyelids are doing what they must. You're almost there, elusive as it is. CKRL 89.1. Always judge a soul by its color. CKRL. Communication, culture. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation italienne Tacita Intesa, qui a été fondée en 2012, alors que les jeunes musiciens, à peine dans la vingtaine, ils ont fait paraître leur premier album en 2014 et leur second en 2018. On aura donc un extrait de ce second album intitulé Faro. Il a été enregistré en seulement 4 jours. On aura la pièce Terra. Mais pour débuter le bloc musical, Michel, un artiste américain qui était venu au festival Terra Incognita en 2015 pour nous présenter un extrait de l'album dont on aura une pièce. Oui, en fait, Anton Roulart a tellement aimé sa première visite en 2015 qu'il nous a demandé de revenir l'année suivante et il est revenu accompagné par le claviériste de Renaissance. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir assez impérissable d'un déjeuner avec Anton et le claviériste de Renaissance, Rave Tizar, qui ont présenté un spectacle acoustique unique, et ça c'est des beaux souvenirs. Et bien oui, si on va entendre un extrait de son deuxième album The Plight of Lady Una, qui est paru en 2014, malheureusement on n'a plus de nouvelles d'Anton depuis, du moins discographiquement, et ça sera la pièce titre de cet album. Walked Eh bien oui, c'est déjà le temps de vous laisser. Et ce soir, on a choisi un groupe argentin originaire de Buenos Aires, en Argentine. C'est le groupe Nexus. Et on a choisi un extrait de leur 6e album. Et à ce jour, c'est le dernier. On n'a pas entendu de parler depuis 2017. Et l'album a pour titre « En el comienzo del Topos Uranos ». Et c'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita pour avoir le menu de la soirée et bien trop autre chose. Et restez des nôtres. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.